La logique de l'information est valable seulement dans la mesure où elle permet à l'information d'être codifiée intellectuellement. Oui. La vibration dans l'information est valable ou utile ou créative dans la mesure où elle vient d'un plan qui n'est pas égoïque, mais qui est connecté à l'ego. Donc, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus perfectionné, c'est beaucoup plus instantané, c'est beaucoup plus absolu, c'est beaucoup plus vaste en conséquence. Une décision ou une information qui est reçue vibratoirement par un ego va automatiquement prendre en conscience les lois de conséquence. Tandis qu'une décision qui est prise par un ego au niveau de l'intellect à travers la logique ne va pas prendre en conscience les conséquences de l'action. Bon, on va prendre un exemple dans le monde de la science. Supposons qu'un homme qui travaille aujourd'hui dans une industrie chimique, il fait un produit quelconque. Si cet homme-là était conscient, par vibration, il saurait si ce produit-là, au cours de l'évolution de son historicité, va amener la civilisation ou la société à souffrir, par exemple, de pollution, sur une base de 100 ans, 200 ans, 50 ans, 20 ans. Tandis qu'un homme, sur le plan de la logique, ne verra pas loin de même. Parce que le produit est dans le labo, c'est un beau produit, il a le prix Nobel, mais il n'est pas rendu dans terre. Les conséquences, alors que l'esprit connaît les conséquences de l'acte, l'ego ne connaît pas les conséquences de l'acte. Donc, la logique est totalement incapable de suivre l'historicité ou le mouvement ou la continuité de l'objet ou de l'action dans le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a de graves problèmes de pollution dans le monde. Pourquoi? Parce que les hommes politiques ou les scientifiques n'ont pas pris des décisions qui étaient vibratoirement en harmonie avec leur conscience. Ils ont pris des décisions qui étaient logiquement harmonisées par leur intellect en fonction des structures psychosociales, économiques du temps où ces travaux ont été faits. Mais et on en souffre, et on paye le prix, et on va le payer le prix. Mais est-ce qu'une vibration dans le phénomène de la décision, ça nous informe totalement de tout ce que vous dites? C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Ben non, parce que si l'esprit communique avec l'ego ou le double communique avec l'ego de l'information au niveau des lois de conséquence, l'homme ne sera pas capable de soutenir tant d'énergie, tant d'informations. Les cellules sauteraient parce que l'esprit c'est trop vaste. Mais on vous donne un exemple, un homme conscient qui est en communication avec sa source, puis qui travaille dans un laboratoire, par exemple, ou qui travaille au niveau, genetic engineering. Bon, mais à ce moment-là, s'il fait quelque chose, puis qu'il est en harmonie avec sa source, tout ce qu'il va faire va être en harmonie au niveau du destin de l'objet, ou de la science, ou de la trouvaille. Parce que le double va toujours lui faire voir, va toujours corriger, va toujours l'amener plus loin dans le perfectionnement ou dans la neutralisation de cet objet-là par rapport au destin de l'humanité ou de la race récipiendaire. Mais l'homme ne fonctionne pas de même. C'est ça le danger de la science aujourd'hui. La science, elle est très belle, elle fait partie de la manifestation du mental très développé de l'homme, mais la science, d'un autre côté, est en train, pour des raisons d'évolution et de raisons d'inconscience dans son sein, de mettre en péril la planète. Donc, l'homme a besoin de retourner à sa source. L'homme a besoin de vivre le contact télépathique, pas simplement intuitif. Pendant l'évolution, on a vécu l'intuition. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais l'homme a besoin de beaucoup plus que l'intuition. Il a besoin d'être en communication verbale, mentale, télépathique, télépsychique avec les circuits universels, c'est-à-dire avec les gouvernements parallèles qui font partie de l'ordre des choses, qui font partie de l'organisation invisible des mondes à tous les niveaux. Sinon, il n'a pas accès à une science suffisamment vaste pour empêcher que le décisionnel logique, mécanique, cartésien de l'homme moderne bouleverse tout. Donc, avoir de l'ordre, c'est très, c'est très vaste. Très vaste, avoir de l'ordre. Et d'ailleurs, avoir de l'ordre, ça n'a pas de fin. Ça nous donne l'impression, en tout cas, quand on est subjectif, que du désordre, c'est toute notre vie. La subjectivité, c'est une forme plus ou moins harmonisée de désordre. Il y a des gens qui ont des belles vies, ont du fun, travaillent. Mais c'est pas de l'ordre. Ils ont des petits comptes en banque, ils se sont protégés. Il y a un certain ordre, là, ils se sont protégés. Mais c'est un ordre psychologique, c'est un ordre qui fait partie de l'équilibre de leur civilisation. Fait que t'es safe, là, t'as des petits comptes en banque. Imagine-toi qu'il y a un gros crash demain matin. Qu'est-ce qui arrive à ton petit ordre? Qu'est-ce qui arrive à ton petit ordre, là, que t'as développé pendant 20, 30, 40 ans, là, tes Blue Chips que t'as, là, General Motors, ITT, là? Qu'est-ce qui arrive, là, quand il y a un crash? Ah, là, le petit ordre, il est plus aussi ordonné qu'avant, là. Hein? Là, faut que t'envoies le psychiatre, là. Le psychologue, là. Hein? M'a dit que ma mère, le psychiatre. Tu vas voir le psychiatre, hein? Fait que tu sautes des choses, tu sautes du châssis, hein? Oui. Fait que c'est pas de l'ordre, ça, quand t'es rendu que tu sautes du châssis. Mais l'impression. Fait que ça va loin à faire. Fait que un homme conscient, mais qu'est-ce qui va arriver? Il est conscient, donc il a accès à sa source. Donc, son chum, il dit, hey, Jean-Paul ou Bernard, je m'appelle Bernard Montréal. Il dit, Bernard Montréal, t'as des petites scènes de côté, toi, là, tu serais pas intéressé à mettre de l'argent dans un stock, toi. Fait que qu'est-ce que je fais, moi? Je doute pas que t'as des bons stocks ou whatever. Mais je vais aller en dedans. Puis je vais dire, j'en mets-tu des petites scènes dans mon stock? Il va dire, c'est pas le temps. C'est final. Quand même tu me donneras le plus beau portfolio, c'est fini. Parce que en dedans, je sais que c'est pas le temps. Ça veut pas dire qu'il est pas bon ton stock. Puis tu vas m'arriver à la semaine prochaine, tu vas dire, Bernard, j'ai fait 5000 piastres. Je vais dire, je suis bien content pour toi. Mais moi... Mais ça, si ça vous dit, c'est pas le temps, ça vous explique aussi qu'en l'an 2000, parce que vous avez mis 1000$, ça a eu telle conséquence. Pas nécessairement. Ça vous dit simplement, c'est pas le temps. Pas le temps, moi. Si me disent, c'est pas le temps, c'est pas le temps. Autrement dit, j'ai pas une tête de cochon. Donc, une pas vibration, une vibration, c'est simple. C'est simple. Pas le temps. Vous dites, pourquoi pas le temps? Je suis pas intéressé, en fait. Je suis pas intéressé à la connaissance. Okay. Je suis pas intéressé à savoir pourquoi est-ce que le stock marche, pourquoi est-ce qu'il marche pas. Ceci, tu me le demandes, là, ça vient de l'extérieur, c'est ton affaire. Mais en dedans, je suis pas intéressé. J'attends, je vais pas penser, moi, je suis bien, pas le temps. Vous autres, pourquoi pas le temps? Donc, si je comprends bien, de vivre selon la vibration, c'est pas compliqué. C'est très simple, c'est ça, vivre. Moi, je vis, j'existe pas. Mais c'est très dur dans la vie-là. Pourquoi? Parce qu'on existe. On s'est créé un petit ordre. Okay. On s'est créé un ordre social, psychologique, subjectif, égoïque, basé sur notre religion, basé sur nos systèmes politiques, basé sur notre petit compte en banque. Quand ça saute, ça, sais-tu que tout saute? Fait que la première chose que tu fais, ben, tu penses aller voir ton spikial. Hein? Même ça marche. Ce contact avec la vibration pour éliminer l'angoisse, pour éliminer l'anxiété, pour finalement faire de l'ordre et le vivre simplement, le départ, il se fait où? Le départ se fait à partir du moment où l'homme commence petit à petit à réaliser que c'est pas lui qui parle. Tant que tu penses que t'es fourré, puis tu vas être fourré forever. That's it. Tant que tu penses, c'est l'évolution. Je comprends pas. Ben, je le comprends. Mais je comprends pas que ça a pris si longtemps pour l'homme de réaliser que c'est pas lui qui parle. C'est extraordinaire de réaliser que c'est pas lui qui parle. Mais l'homme, il veut penser que c'est lui qui parle. Parce que sais-tu, quand tu commences à penser que c'est pas toi qui penses, tu commences à te demander ce que t'es. c'est quoi moi? Je suis quoi moi là-dedans? T'sais? Fait que là, l'ego, il fait de l'overtime. C'est une grande source de désordre. Hey! On fait de l'angoisse aussi. On fait de l'angoisse. Parce que ça attaque l'âme. Parce que ça attaque l'ego. L'ego. Ben oui, parce que ça attaque l'ego. Ça attaque ça crée de la réflexion dans le mental. Tout le monde te dit, puis l'homme, l'expérience de l'homme, t'a toujours laissé savoir que tu penses, on pense qu'on pense. Je dis qu'on pense. On sait qu'on pense. Mais quand tu commences, quand il y a un niaiseux comme moi qui arrive dans le monde, puis il dit, hey, on pense qu'on pense. Ça choque. On n'aime pas ça. Tu sais, j'étais un doctorat à l'Université de Montréal. J'aime pas ça me faire dire par un petit gars, moi de même, qu'est-ce que c'est ça, Bernard Montréal? Qu'on pense. J'étais un psychologue, moi, je suis pas intéressant de me faire dire qu'on pense. Mais le conflit profond, faut le comprendre aussi, parce que le combat qui se livre est énorme. Le combat qui se livre est énorme, mais c'est ça l'évolution. L'évolution, la pente vers la terre du vide, puis l'évolution, la remontée. On n'a pas de choix! L'homme doit en arriver un jour à retourner à sa source, à prendre conscience de sa source. Puis après ça, une fois qu'il a conscience de sa source, il est plus intéressé à penser qu'il pense. Tu me vois-tu, moi, penser que je pense? L'autre, il rit en dedans. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est la plus grande aberration que l'humanité, qui a été imposée par l'humanité pendant des siècles. Et savez-vous qui c'est qui maintient ça? C'est l'astral. C'est le monde de la mort. Ils ont du pouvoir. Ils veulent que l'homme retourne à la mort. Ils ne sont pas intéressés à ce que l'homme passe à conscience éthérique. Ils veulent que l'homme retourne à la mort. Fait que c'est ça la manipulation. Fait que, demandez-vous pas pourquoi est-ce que la fenêtre teste, c'est ce que c'est, hein? Normal. J'ai un scénario. Je dois être honnête, ça m'a déjà arrivé de le vivre. Une personne vous engueule et plutôt que de dire « tu », vous dites « qui est-ce qui me parle ?» Ça prend la personne par surprise. C'est assez... Ça bouleverse un peu la conversation. Ouais, mais il faut le faire. Mais disons que dans une salle comme ça, là, on a des personnes qui, à soir, ont le goût d'essayer de ne pas penser. Est-ce que l'expérience pourrait être, peut-être pas valorisante pour l'ego, mais est-ce que l'expérience pourrait avoir des résultats? Oui, oui. Alors, c'est parce que moi, je suis intéressé à savoir comment on fait de l'ordre. Là. Oui. Et puis, s'il faut absolument aller chercher ce contact-là et trouver la vibration, il faut qu'il y ait un moyen. Il y a des gens qui me demandent s'il y a des moyens. Oui, mais ça fait partie de votre expérience à vous autres. Moi, je ne suis pas intéressé d'être un thérapeute collectif, tu sais. Je vais bien expliquer comment ça marche, mais ça s'arrête là. Oui. Ouais. Sans ça, là, t'es pris avec des entités de tout le monde, là. Ça va loin, ça va là. Fatigué? Non, moi, je me repose. Non, mais je parle... mais je parle pas de vous, là. Je parle des gens, là, qui, dans la salle, voudraient vivre l'expérience. Toutes les personnes ici veulent faire de l'ordre dans leur vie. Mais comme se mettre des sous à la banque ou des choses du genre, organiser sa vie, c'est pas suffisant. Il faut absolument avoir ce contact intérieur pour amorcer ça. Pour répondre à votre question, là, un homme qui vivrait qui ferait cette expérience-là intérieure pourrait avoir une réponse objective ou pas avoir de réponse du tout. Fait que si l'homme se demande si c'est vrai que c'est pas lui qui pense, il peut avoir une réponse qui va être oui. Ou il peut avoir une absence de réponse. Ce qui est assez fréquent. Bon. Fait que si vous avez une réponse qui est dans l'affirmative, mais à ce moment-là, mais continuez à travailler dessus. Autrement dit, parler avec la source, c'est comme parler avec un être humain. Puis là, vous allez commencer à voir comment ça se joue la game. Quand vous aurez fait ça pendant 10-15 ans, mais vous aurez l'expérience de l'intelligence. La pratique. La pratique, oui. Seulement, prenez-les pas pour du cash, parce que là, ils vont vous passer au bat. Mais ça, c'est l'autre problème, ce qui vient, c'est le phénomène de la preuve. Parce que pour certaines personnes, de vivre cette expérience du contact, ça peut être accessible, ils peuvent être même des exemples pour d'autres, mais la preuve dans le concret, La preuve, c'est la grande infirmité de l'ego. Avoir besoin d'une preuve, c'est la preuve qu'on est inconscient. Donc, c'est impossible de s'en sortir. Si on considère que toutes les gens qu'on rencontre, à qui on ne donne pas un crédit naturellement dans une conversation, s'ils ne nous fournissent pas une preuve, ou si nous, on attend une preuve, on tourne en rond. Il faut que ça casse en quelque part. Tant que l'homme cherche la preuve, il cherche la sécurité égoïque. Puis quand il est rendu dans ces domaines-là, la sécurité égoïque a sauté pour le châssis depuis longtemps. Ça fait que ce qui va arriver, par exemple, si une personne parlait avec une personne consciente puis voudrait une preuve, c'est possible qu'une personne consciente donne une preuve à une personne inconsciente. Mais il va le faire pour des raisons d'évolution, pour l'amener, pour l'aider à voir. C'est quelque chose, dans le temps. Mais il ne va pas nécessairement le faire. Parce qu'une personne consciente n'est pas assujettie à ça. Oui, elle n'est pas intéressée à la preuve. Elle n'est pas intéressée à la preuve. Tout ce processus-là a été détruit par la source. Oui, mais la preuve, ça fait partie de la requête égoïque, ça fait partie de l'insatisfaction égoïque, ça fait partie du doute égoïque. Mais ça, ça fait partie de l'expérience de l'ego. Est-ce que vous diriez que, à force de vivre de la souffrance, là, à l'accumulation d'une quantité phénoménale de souffrance, un individu en arrive un bon matin à se lever, puis ça lui parle? Ça devrait parler avant ça. Ça devrait parler avant ça. Mais il y a deux sources, là. Si l'homme, ouais, si l'homme a, surtout aujourd'hui, là, à la fin du 20e siècle, avec les sciences, la science occulte de la psychologie, qu'on peut appeler, ou la conscience supramentale, ou la psychologie supramentale, avec cette science-là, avec cet outil-là, ça prend pas trop longtemps avant que ça se fasse. Donc, dès que l'individu est informé de cette... Faut qu'il soit informé. Ça, d'accord. Faut qu'il soit informé. Faut qu'il soit informé ou qu'il l'intuite. Il y a des gens qui le vivent, ça, par intuition, ouais, depuis longtemps. Mais faut que l'homme soit en soi informé. Puis une fois qu'il en est informé, mais après ça, ça s'ouvre, puis ça s'ouvre, puis ça s'ouvre, puis ça s'ouvre. Parce que quelque part dans le temps, à partir du moment où il était informé, déjà son mental était visé. À partir du moment où son mental était visé, lui a la capacité de réaliser qu'il n'est pas fou, en fin de compte. Parce que si tu vis ça tout seul, tu te poses des questions. Tu vas voir ton psychologue. Okay? Mais si tu as bien du monde qui vivent ça, puis il y en a de plus en plus de gens qui vivent ça, qui finalement en arrivent à une connexion avec le mental supérieur, mais sais-tu que quand tu commences à avoir 500 000 personnes qui communiquent intérieurement, ça fait bien des fous, ça, qui sont pas si fous pendant, ça veut dire. Ça fait que, mais c'est un processus qui commence lentement, puis qui s'expansionne, puis qui s'expansionne. Mais aujourd'hui, déjà, on en sait trop pour que ça soit arrêté. Donc, a priori, l'information déclenche. Faut savoir. La communication maintient ou poursuit? Avec le temps, oui. Elle peut se il y a des gens dans la salle que je connais, là. Qui communiquent entre eux autres. Ah, oui, ouais, qui communiquent. Il y a des gens dans la salle, là, si on ferait la communication avec eux autres, là, ça se ferait de même. Boum, boum, clarinette. Il y a des gens, ça se fait pas clarinette. Ça dépend du taux vibratoire du mental, ça dépend de l'ouverture, ça dépend si l'individu a plus d'esprit que l'autre. Il y a des êtres qui ont beaucoup d'esprit. C'est comme la lumière, ça. Mm-hmm. Il y en a qui ont bien la lumière, il y en a qui n'ont moins, il y en a qui n'ont moins, il y en a qui n'ont quasiment pas, puis il y en a tout un petit peu. Mais si tu n'as trop petit peu, ben tu peux pas éclairer toute une salle comme ça. Bon, ça prend bien de la lumière. Fait que si t'as bien de la lumière, ben à ce moment-là, t'as pas besoin d'en avoir gros, comme dans 10 ans, puis dans 20 ans. Mais si t'as assez de lumière, mais à ce moment-là, ça se fait, ça. Parce que l'ajusteur a pensé, ou le double, c'est pas facile pour le double de communiquer avec l'homme. À moins qu'il fusionne avec un gars comme moi, là, il t'enlève tous tes moyens, puis tous autres qui rentrent, jusqu'à temps que tu les mettes à leur place. Ça, c'est là, des grandes souffrances. Mais pour l'homme, là, en respectant son équilibre psychologique, en respectant le fait qu'il travaille, puis un job, ainsi de suite, puis qu'il n'est pas un initié dans le sens que moi je le suis, là, c'est pas facile pour eux autres, parce que l'ego est là, le doute est là, les corps sont là, faut pas qu'il en donne une trop grosse dose, parce qu'il va aller à Grande Bâtisse, faut qu'il continue à travailler, prendre soin de sa femme, il y a plein d'affaires, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Le développement. Le monde, ils disent, ah, ben moi, j'aimerais ça être fusionné. Super. Continue à travailler chez Eaton. Des illusions spirituelles, ça. T'es bien, là, justement. C'est parce que pour beaucoup de gens, la fusion, c'est un pouvoir. Oui, puis ça, c'est parce que les gens projettent. Ça, c'est de la projection. T'sais? L'homme aura sa conscience dans le temps. Mais en attendant, ce qui est important pour l'homme, c'est pas la fusion, c'est d'être bien dans sa peau. C'est de pouvoir travailler, prendre soin de sa femme, aller prendre des petites vacances en Floride, ça fait une petite job de temps en temps, puis changer de bas, tu sais. C'est ça qui est important pour l'homme. Faire l'amour de temps en temps, tu sais. L'atmosphère, disons, de cette partie-là, c'est sur l'angoisse. Et l'atmosphère du phénomène de parler avec un contact ou avec des gens qui ont cette information-là, est-ce qu'on peut avancer que les individus qui ont cette forme de communication-là sont totalement libres d'angoisse ou d'anxiété? Sont totalement dégagés? Non. Parce qu'ils peuvent tout expliquer? Non. Non. Votre question est très bonne. Parler intérieurement, ce n'est pas une mesure de l'absence d'angoisse. Parler intérieurement, les Indiens l'ont fait, les Grecs l'ont fait, c'est delphique, ça, c'est médiumnique, c'est plein de monde qui parle intérieurement. Donc, parler intérieurement, c'est pas une mesure de l'absence d'angoisse. Par contre, intégrer la jasette intérieure, intégrer toutes les conneries intérieures, Ça, c'est l'absence d'angoisse. Okay. Ça, c'est l'intégration. Vous dites intégrer. Est-ce que vous pouvez expliquer le phénomène d'intégration de cette information psychique? C'est basé sur le principe fondamentalement et nécessairement absolu chez l'homme de ne pas croire. Strictement ça. Oh! Si vous saviez comment c'est important de ne pas croire, vous ne croiriez pas. Pas croire. C'est pas croyable. Pas croyable. Mais je pensais que c'était dans l'action qu'on intégrait. T'intègres dans l'action parce que t'as pas cru. Ah, OK. L'homme intégrera dans l'action lorsqu'il aura cessé de croire la moindre chose venant des plans. Après ça, il intègre. Parce que l'homme a déjà accès à sa lumière inouïe. C'est le plus grand outil, le plus subtil outil, le plus dangereux outil qui a été imprimé dans le mental de l'homme par les plans, subtilement, à travers tout le système de pensée humaine depuis que l'homme est homme jusqu'à la fin du 20e siècle, jusqu'au début de l'évolution. Croire, c'est anti-homme. Si vous me dites quelque chose, ça a de l'allure, c'est intelligent. OK, c'est ça. Mais si vous me demandez de vous croire, je ne peux pas vous croire. Quand même vous me diriez, écoute Bernard, il y a une soucoupe ballante qui est descendue dans ma cuisine hier. Mm-hmm. Je te croirais pas. J'ai les marques, je suis brûlé. Je te croirais pas. Mais... Parce que probablement, d'abord, je suis capable de t'expliquer qu'est-ce que c'est, sans l'avoir vu. Puis même si c'est à ça, il faudrait que moi-même, je le sache que c'est ça. Puis pour le savoir que c'est ça, je peux même pas permettre de croire aux autres en haut. Parce qu'ils nous pogneraient tous les deux, là. Tu comprends-tu, vous dire? L'homme ne peut pas se permettre de croire. Je vais vous dire une chose. Autant l'homme de l'évolution a cru, autant l'homme de l'évolution ne croira pas. Ça sera la fin des maîtres. Ça sera la fin de l'autorité psychologique, philosophique, métaphysique, ésotérique, occulte sur la planète. Ça sera le début de la liberté de l'homme. Puis je vous avertis, hein, parce que avec les années qui viennent, 21e siècle, l'homme va devoir apprendre une fois pour toutes à vivre par rapport à son centre mental et casser ça en lui-même, une fois pour toutes, la croyance, par rapport aux hommes et par rapport à la connexion. Par rapport à la connexion interne à lui-même. Puis ça, là, c'est la pire, parce qu'elle t'occupe. Pas croire un homme, ça se fait. Mais quand t'es rendu à communiquer intérieurement, laisse-moi te dire, faut être lucide en maudit pour ne pas croire parce qu'ils sont intelligents en maudit. Ils vous donnent des preuves. Hein? Ils vous donnent des preuves. Ben, évidemment qu'ils vont te donner des preuves. Tu prends un petit médium, là, quand je pense à ces pauvres médiums là, qui traînent sa planète. C'est plein. Hein? Bon, ben là, ils te disent, va donc mettre 500 piastres sur le cheval, la Blue Bonnet. Là, la petite médium, elle y va, elle met son petit 500 piastres. Il va rentrer le cheval! Qu'est-ce que tu penses? Pas des caves. Il va rentrer. Tu vas chercher les mouches avec du miel. Fait que là, elle est contente, elle va voir sa chum, sa belle-mère, son frère, son mari. J'ai mis 500 piastres. Hey, venez donc ensemble, on en met 50 000, ça va rentrer. C'est fini. L'homme est naïf. Savez-vous qu'est-ce que c'est la naïveté? La naïveté, c'est l'absence de feu dans le mental. Un homme qui n'a pas de feu dans le mental n'a pas la capacité de déjouer les forces occultes de sa conscience, n'a pas la capacité de voir à travers le mensonge cosmique, n'a pas la capacité de voir à travers l'astral, donc n'a pas la capacité de voir à travers la polarisation du vrai et du faux qui vient vers lui à travers le mental par le biais du monde de la mort. Il n'a pas la capacité d'établir un équilibre, une unité de travail avec sa source. Donc, il est encore en initiation. Ça va loin, la naïveté. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus ce soir, c'est de voir qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être dans l'action pour intégrer, c'est-à-dire vivre la réalité de cette vibration-là. On peut tout faire le processus dans le mental. Non. C'est dans l'action. Ben là. C'est dans l'action. Rappelle-toi, il y a 4 ans. Dans l'action. Et dans l'action, tu l'as fait du locataire, pas dans le mental. Okay. Dans le mental, tu n'étais pas capable de le faire. Tu le rationalisais occultement. C'est dans l'action que tu l'as fait. Oui, mais vous dites pas croire. Quoi? Ça permet d'intégrer. L'action, si on vit l'action pour se donner une preuve. Pas croire, ça nous permet de nous libérer des vertus psychologiques qui sont imprimées dans notre mental par la voix de la parole parlée d'un homme ou par la voix de la parole télépathisée d'un être qui est sur un plan invisible. Okay. Pas croire, c'est une sécurité profonde. Un homme qui ne croit pas est incapable d'être joué des tours. Un homme qui croit, il est fini. Même s'il est fini, gros de même, il est fini. Mais ça n'interrompt pas l'action. Au contraire, ça rend l'action extrêmement objectivée, c'est-à-dire libérée de toute forme de conscience subjective, émotive, ésotérique, spirituelle, médiumnique, whatever. Pas croire, là. Moi, je suis probablement, sur notre planète, le seul homme qui réellement ne croit pas. Ça ne veut pas dire ça qu'il nie. Oui. Il y a des gens qui ne comprennent pas trop ce que je veux dire. Oui. Ils pensent, ben, comment, c'est pas croire. Quand je dis pas croire, je nie pas que des petits hommes verts sont venus dans ta cuisine. Je le nie pas. Je nie pas ce que Richard Glenn va dire. Je nie pas. Mm-hmm. Je suis trop intelligent pour savoir ce qui se passe au niveau des plans. Mais, je ne crois pas. Ça veut dire que je ne m'implique pas émotivement dans quelque forme d'événement amené par la voie de l'information en mon mental et possiblement coloré par le tien. Donc, je demeure libre de tes impressions et je me rends libre des miennes. Fait comme ça, je sais. Fait que si t'as des petits bonhommes verts qui viennent à travers ton égout chez vous, puis que c'est réel, puis qu'ils étaient suffisamment conscients pour établir une communication avec eux autres, je peux leur dire, bon, venez me voir la semaine prochaine, m'appeler Bernard Montréal, ils vont venir voir ensemble. À ce moment-là, je vais le savoir, moi, anyway. M'a t'appeler même chez vous, m'a dit, tu m'invites pas à prendre un steak, puis que tu vas m'inviter à prendre un steak, puis quand on va arriver chez vous, tu dis que je t'assume de recevoir les petits bonhommes verts le soir, puis là, ça va marcher, on va. Ça marche. Mais j'irai pas chez vous voir tes petits bonhommes parce que j'ai cru. Je ne croyais pas. Puis une des raisons, il y a des gens qui me demandent, qui me disent, mais pourquoi est-ce que tu parles pas des ovnis, puis pourquoi est-ce que tu n'as jamais ouvert avec Glenn ses ovnis, puis pourquoi est-ce que tu n'as jamais ouvert avec Payotte ses ovnis? Pour la simple raison que le sujet, ce sujet-là qui est très vaste, qui est très intéressant, n'est utile alors qu'après le temps où lui-même est devenu totalement capable de supporter ce qui c'est sans être obligé de vivre de la projection par rapport à ce qui se passe dans le monde. Quand l'homme sera suffisamment conscient, quand tu es conscient, le phénomène extraterrestre ou OVNI, whatever it is, ou le phénomène occulte, whatever it is, c'est absolument secondaire, ça ne change rien dans ta vie, ça ne t'empêche pas de faire ton jardin, ça ne t'empêche pas d'aller chez Eaton, mais tant que je sais que le monde, à cause de ce qu'il pourra savoir au niveau de ça, ou au niveau d'autres choses, ça va les empêcher de travailler, prendre soin de leurs enfants, aller à l'école, envoyer leurs enfants aller à l'école. À ce moment-là, j'en parlerai pas de ces affaires-là. Je vais en parler en privé, mais j'en parlerai pas en public. Parce que c'est rendre un disservice à la communauté, c'est rendre un disservice à la société qui est sensible. Il y a des choses que l'homme doit savoir avant. Commencez à vous savoir vous-même. Commencez à savoir comment ça marche, la game. Quand vous saurez comment votre game marche, à ce moment-là, vous pourrez savoir comment ça marche, la game, des ovnis, des extraterrestres puis des plans. Occupez-vous de vous autres, vos oignons, vos femmes, vos enfants. Soyez de bons citoyens. Puis après ça, vous connaîtrez et vous comprendrez les citoyens des mondes. Merci, Bernard de Montréal.